感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点22点播出。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏马斯涅的歌剧中优美抒情的管弦乐片段，由加迪纳指挥蒙特卡罗歌剧院管弦乐团演奏。 Thank you.

mon ami, je me sens bien malade. Mais ton bras sous mon dos, sois il qui me soutient de celui qui pense à l'humanité. Sancho, nous allons nous quitter. Ingrat, vas-tu me regretter? Et te voici rêvant au bois mystérieux de la terre natale. Non, non! Pauvre, c'est la chose fatale. Tu n'es qu'un homme enfin, tu veux vivre. Je fus le chef des bons semeurs. Je luttais pour le bien. J'étais la bonne guerre. troppo, mogro saggio. E se fu della se, come da se cascio, fusi tu fe mogra, da se ta vita Oh.